mamma mia, toute bataille est vaine. Non, non, je ne peux pas t'oublier. Ruminer le bon vieux temps et tout, mais il faut que j'y aille, hein. Je dois nettoyer mon sac à main. Le temps a suspendu son vol, hein. Moi, je m'attendais à retrouver une dadame un peu boulotte. Et non, c'est toujours Donna. D'un regard, tu me traînes jusqu'à l'église. Un regard et tout entier, je me brise. Whoa, whoa, whoa.